بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى. Donc, comme tous les dimanches entre le Maghreb et l'Aïcha, on continue quant à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Je rappelle simplement que demain il n'y aura pas cours concernant al-fiqh. Donc on ne fera pas cours, tout simplement. Je pense que vous savez qu'il y a une conférence, inshallah ta'ala, qui est organisée par les pompes funèbres, donc demain au Quartz. Donc ceux qui veulent y aller, c'est une entrée ouverte à tous et à toutes et gratuite. Donc c'est demain après, à partir de 20h, donc de 20h jusqu'à 22h. Donc demain il n'y aura pas cours et on continuera avec le prochain cours mardi de l'Maghreb al-Aïcha avec tafsir, d'accord, donc l'exégèse ou l'explication du Coran. Donc on continue quant à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et on s'est arrêté la semaine dernière avec l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, d'accord. Vous vous souvenez, on a parlé de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Donc on avait parlé avant ça bien sûr de la première mosquée à Afon qui a été construite après la prophétie, qui est la mosquée de Quba, donc à Quba, qui est dans la périphérie de Médine. Et on a parlé ensuite de la mosquée qui a été construite, la première mosquée qui a été construite à Médine, donc la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cette mosquée qui a été construite par le prophète lui-même ainsi que as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et pendant la construction donc de cet édifice, de cette mosquée là, le prophète alayhi salatu wassalam était chez un compagnon qui a eu le privilège, qui a eu l'honneur d'accueillir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc ces noms là donc c'est sûr que dans la biographie du prophète, faut pas retenir bien sûr, ou c'est très difficile يعني, pour la majorité des gens de retenir tous les noms dans les détails. Mais يعني, certains compagnons, يعني, il faut retenir quand même leurs noms, parce qu'ils ont vécu certaines choses qui sont spécifiques à eux et qui montrent l'honneur qu'ils ont eu en vivant ces choses-là, et le privilège qu'ils ont eu plutôt en vivant ces choses-là. Donc ces compagnons-là, il faut retenir leurs noms, comme ce compagnon qui a eu l'honneur et le privilège d'accueillir la meilleure des créatures sur la surface de la terre, qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce compagnon, c'est qui? Comment il s'appelait? Subhanallah, ne me faites pas peur. C'est qui le compagnon? On en a parlé dans trois cours. C'est qui ce compagnon qui a accueilli le prophète alayhi salatu wassalam chez lui quand il est arrivé à Médine? Personne ne sait ça. Combien, vous êtes où quand je parle? Abu Ayyub al-Ansari. Retenez ces noms-là, c'est des noms importants. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda. Donc, c'est lui qui a accueilli le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous vous rappelez, on a cité le hadith où, quand Abu Ayyub al-Ansari était au-dessus du prophète, alayhi salatu wassalam, car sa maison, était composée d'un étage, et il refusait que le prophète, alayhi salatu wassalam, reste au rez-de-chaussée. Tout simplement par respect envers le prophète, alayhi salatu wassalam, et il disait, ya Rasulallah, on ne peut pas supporter que toi tu es au rez-de-chaussée, nous on est au-dessus de toi. Et le prophète refusait. Pourquoi il refusait? Parce qu'il, certains savants ont dit que, parce que le prophète recevait beaucoup de monde. Donc il ne voulait pas, déranger Abu Ayyub al-Ansari ainsi que son épouse qui était à l'étage. Jusqu'au jour où, il y a une jarre d'eau ou un récipient d'eau qui est tombé, donc, de chez Abu Ayyub al-Ansari, ou de la pièce où était Abu Ayyub al-Ansari ainsi que son épouse. Et cette eau-là est tombée jusqu'au rez-de-chaussée. Et là, il n'a plus supporté. Ils ont dit à Rasulallah, nous, on ne peut pas supporter de savoir que tu es en dessous de nous. Donc, ici, ils ont insisté pour qu'il aille à l'étage. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a accepté. D'accord? Donc, le prophète s'est déplacé à l'étage de chez Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda, ce compagnon qui a eu le privilège d'accueillir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. D'accord? Et pendant la construction de la mosquée, donc, il demeurait chez lui. Il demeurait chez lui. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont construit la mosquée. On va re-rappeler encore, faire un petit rappel concernant cette mosquée, d'où a commencé, on va pas dire d'où a commencé, mais d'où est parti ce grand appel à la religion, du prophète, alayhi salam, accompagné de ses compagnons, de ce lieu-là, qui était une mosquée. Donc, à partir de ce lieu, on sait que la religion n'a cessé de se propager. La religion n'a cessé de se propager à Médine, dans la périphérie de Médine, jusque la Mecque, etc. D'accord? Et le prophète lui-même construisait cette mosquée. C'est pas que les compagnons sahaba. Il y avait le prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que il est relaté par Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, sahib al-rahiq aussi, beaucoup de savants. Ils ont rapporté que pendant que le prophète alayhi salatu wassalam prenait les briques lui-même, le prophète alayhi salatu wassalam portait les briques lui-même. Les sahaba radiyallahu anhum wa ardhahum, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils citaient ces quelques vers et ils disaient: si les bras croisés, nous regardons le prophète alayhi salatu wassalam travailler, ce serait un égarement de notre part. Ils disaient: si les bras croisés, nous regardons le prophète travailler, ce serait un égarement de notre part. D'accord? Donc ils disaient ces paroles-là, et Afwan, donc ces paroles-là tout simplement, et ils accompagnaient yani leur effort quand ils construisaient de certains vers. Donc on sait que c'est autorisé yani de chantonner certains vers yani, ou certains poèmes, d'accord, qui à la base sont des vers ou des poèmes, à partir du moment où ils n'incitent pas à la yani à la perversité ou à des choses qui sont contraires à la religion, et que ces vers ou ces poèmes ne sont pas accompagnés d'instruments de musique, etc. Donc comme sahaba radiyallahu anhum wa ardahum le faisaient quand ils construisaient la mosquée et quand ils travaillaient. Donc ils disaient quoi? Si les bras croisés, nous regardons le prophète travailler, ce serait un égarement de notre part. Ça montre quoi? Le respect qu'avaient les compagnons envers le prophète alayhi salatu wassalam. La politesse, l'éducation qu'avaient les sahaba. Ils reconnaissent cette chose-là, que le fait de laisser la meilleure des créatures porter des briques et rester les bras croisés, ils disent ça serait un égarement de notre part. Et comment dire le contraire? Tu vas laisser le prophète alayhi salatu wassalam porter des briques lui-même alors qu'il reçoit la révélation de son créateur et de notre créateur tabaraka wa ta'ala, et regardez la modestie du prophète alayhi salatu wassalam et l'éducation qu'il donne à l'ensemble de la communauté, lui-même il portait les briques. Premièrement, ça c'est un message. Ça c'est un message à ceux qui s'enflent un peu quelquefois yani, d'orgueil à partir du moment où ils ont appris je ne sais pas 100 ou 200 hadiths par cœur, ou ils sont imams d'une mosquée ou je ne sais quoi encore, ou prédicateurs de je ne sais pas quelle ville ou dans quelle ville. Yani, à ce moment-là, tu ne les vois plus jamais lever le petit doigt, si ce n'est pour tourner des pages ou des pages du Coran ou des pages de livres, ou alors pour prêcher. Même pour travailler, quand il y a la construction d'une mosquée, ou pour faire des efforts, ou pour aider ne serait-ce qu'un frère pour un déménagement ou quoi que ce soit. Je ne peux pas, je suis un chir, ou je suis un savant, ou je ne sais qui. Ça, c'est un pur égarement. Et toute personne qui dit ça, ou qui avance ses propos, qui sache que ça ne fait surtout pas partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, car lui-même, la meilleure des créatures, qui est meilleure et plus instruite que n'importe quel savant sur la surface de la terre, lui-même, il portait les briques. Lui-même, il portait les briques. Pour satisfaire son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une leçon à nous tous. C'est pas parce que tu es riche, ou parce que tu es président de je ne sais quelle association, ou imam de je ne sais quelle mosquée, ou bien président de, ou plutôt directeur de quelle, je ne sais quelle société, que tu n'as pas droit de te salir. Abadan, tu es un beau camis blanc, tu es imam, tu es prêcheur, tu es je ne sais quoi, tu es un beau costume, masha'Allah, il n'y a pas de problème, mais quand il faut travailler et se salir pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais, ya akhi al-karim. Tu le fais, t'es pas meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam. Et suivre la biographie et la sunna et le comportement du prophète, c'est pas simplement comme je le dis et je le répète et je le répéterai toujours. Ça c'est un message à certains jeunes qui prétendent ou qui pensent peut-être, dû à leur égarement, que suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est simplement suivre le comportement, ou plutôt la description physique du prophète alayhi salatu wassalam. Ça ne s'arrête pas à la barbe et au qamis, mais ça va plus loin que là. C'est quoi? C'est suivre la moralité, suivre la modestie, suivre l'affection qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam pour les croyants, suivre le comportement, sa description morale, c'est pas que sa description physique. Le prophète portait des briques. Toi tu te dis j'aime le prophète, j'aime la sunna du prophète, mais quand on fait ne serait-ce qu'une annonce, bon les frères il faut aider pour porter quelques briques ou pour je ne sais quoi, tout le monde prend la fille. Je peux pas, j'ai mes enfants. Je peux pas, j'ai mon épouse. Je peux pas, j'ai rendez-vous. Je peux pas, j'ai une... Subhanallah. Subhanallah. On t'a pas dit viens travailler pour 100 euros, pour 1000 euros, pour 500 euros. Parce que si on t'aurait dit pour 1000 euros, jamais t'aurais osé sortir, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants, je ne sais quoi. Te dis, viens travailler pour satisfaire ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, tout en sachant qu'Allah, il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, écoutez bien, et c'est la morale principale de ce cours au jour d'aujourd'hui, ça, le fait de réagir comme ça, de la sorte, de se détourner quand on a besoin de personnes pour la construction d'une mosquée, ou pour de l'aide, ou simplement pour aider ton frère ou ta sœur musulmane, qui est dans le besoin, sache que ça, c'est en quelque sorte le fait de renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et vous allez voir pourquoi. C'est en quelque sorte le fait de renier les bienfaits d'Allah azza wa jal sur toi. Car Allah subhanahu wa ta'ala est accomplé de beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, ces plus grands bienfaits, c'est quoi? C'est la santé. C'est la santé. Toi, Allah azza wa jalla t'a donné une santé. Et vous savez très bien, comme il est relaté dans le hadith authentique, au jour de la résurrection, comme le prophète alayhi salam l'a dit, personne ne quittera, avec une traduction approximative, l'esplanade des comptes, c'est-à-dire après les comptes. Donc il y a les comptes. Mais tu ne quitteras pas cet endroit-là, l'esplanade des comptes, tant que, ou avant que tu ne sois interrogé sur quatre choses. D'accord? Qui peut m'énumérer c'est quoi ces quatre choses? Sur son quoi? Sa santé. Tu vas rendre des comptes sur quoi? Sur ton argent. D'où tu l'as eu et d'où tu l'as dépensé. D'accord? Sur ta science. Qu'est-ce que tu en as fait de ta science? Sur quoi encore? An umrihi. D'accord? Ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Tu as vécu 50 ans, 60 ans, 100 ans, 120 ans, 30 ans, 20 ans. Tu as fait quoi de ta vie? Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de vivre 20 ans. C'était pour décorer ou pour avoir des enfants et construire une maison tout simplement? أحسبتم أو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله يقول جي. Est-ce que vous pensez que nous avons créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? عن عمره فيما أفناه. Ta vie, t'en as fait quoi? Et sur quoi encore? عن جسمه فيما أبلاه. C'est quoi? Ton corps, ta santé, ton corps. Allah عز وجل il va t'interroger sur ton corps. Tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes tant que t'as pas rendu et ané des comptes sur ces quatre. Sur ces quatre choses, ton corps, qu'est-ce que tu as fait? Allah t'a donné la santé, t'as fait quoi de cette santé-là? Est-ce que tu l'as mis au service d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'aide que tu as fournie pour tes frères, pour tes sœurs, pour la construction d'une mosquée, pour yani, est-ce que tu as mis à disposition cette santé, ce corps, ou est-ce que tu as été égoïste et avare? Donc ça, on rendra des comptes sur ça. Le prophète lui-même, il portait des pierres. Ça, c'est la première leçon qu'on doit prendre. Donc, quand il faut salir tes mains, salis tes mains, ya akhil karim. Et ça, c'est une preuve de modestie. Ça, c'est une preuve de respect. Et c'est une preuve de politesse, pas envers les gens, pas envers les responsables d'une association, mais envers qui? Envers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une preuve de bienséance envers ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et ceux qui n'ont pas compris cette chose-là, ils ont, une mauvaise compréhension quant à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ça, c'est clair. Et ils ont un manquement quant à cette compréhension. Et les compagnons, ils n'osaient pas rester les bras croisés et ils disaient, c'est un égarement. Yani, de rester les bras croisés alors que le prophète alayhi salatu wasalam lui-même porte les pierres. Ça nous rappelle quoi aussi? Ça rappelle que bien sûr les imams, ça rappelle que les savants, ça rappelle que les prêcheurs, ça rappelle que les personnes riches, ça rappelle que les personnes qui ont un haut rang dans la société, quand ils doivent se salir les mains pour la cause d'Allah Azza wa Jalla, ils doivent le faire. Mais par respect, ça rappelle aussi que quoi? Ceux qui sont en dessous de eux, et je parle principalement des gens de science, car ceux qui ont le plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont bien sûr al-ulama. Quand tu vois quelqu'un de science qui se salit les mains, est-ce que toi tu n'as pas honte de ne pas te salir les mains? On ne dit pas que celui-là ne doit pas se salir les mains parce qu'il est prêcheur, imam ou je ne sais quoi. Il doit le faire, le prophète l'a fait. Mais quand toi tu vois une personne de science ou un savant qui est en train de se salir les mains et porter des briques, fi sabilillah, il le fait pas pour te satisfaire toi, pour Allah Azza wa Jal. Mais toi, la moindre des choses et le moindre des respects, c'est de pas rester les bras croisés. Et voilà ce qu'on tire de ces paroles-là. Ça serait un égarement de notre part de voir le prophète alayhi salatu wassalam porter des briques. C'est pas parce qu'il est prophète qu'il ne les a pas portées. Il les a portées quand même. Mais porter des briques, voir le prophète porter des briques et nous rester les bras croisés, comme certains le font. Et ça, c'est un manque de respect envers qui? Envers les gens de science. C'est un manque de respect. Et c'est un manque de respect, bien sûr, avant tout envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose que les gens doivent comprendre. Et on avait rappelé que le prophète avait acheté ce terrain à deux orphelins, d'accord, des jeunes qui, eux, ont voulu donner fi sabilillah ce terrain pour construire la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam. Et le prophète avait refusé, il a insisté pour payer. Ça nous rappelle que nous, le croyant, on s'éloigne au maximum de quoi? Ad-duyun, les dettes. Ça, c'est le prophète, c'était un don. Waqf. C'était un don pour la communauté, pour l'islam. Et bien que c'était un don, le prophète a refusé, il a voulu le payer. Et là, on voit une éducation. On voit une éducation prophétique qui nous rappelle que le croyant, bien sûr, il était en droit, le prophète alayhi salatu wassalam, ou un croyant est en droit d'accepter quand on te fait un don, bien sûr. Mais ça, c'est le prophète qui a insisté pour payer une chose qui lui a été donnée. Que dire d'une personne qui te vend une chose et qui toi tu le fais retarder, retarder, retarder. Subhanallah. Le musulman il ne dépend pas des gens. Il fait tout ce qui est en ses capacités, ou il met tout ce qui est en ses capacités et tout en œuvre pour éviter de dépendre des gens. Éviter d'avoir des dettes. Ça existe les dettes. Ce n'est pas haram, ce n'est pas illicite. Lakin il fait tout pour ne pas avoir de dettes. D'accord ? Comme ça il part la conscience tranquille. Tu as de l'argent, tu payes, akhil karim. Tu vas pas, il y a un état endetté alors que tu as de l'argent pour payer les dettes. Et ça, c'est une leçon à prendre et on en avait déjà parlé. D'accord? On avait rappelé que la mosquée du prophète alayhi salam faisait à peu près, était de forme carrée, sans coudée. C'est-à-dire à peu près 50 mètres. Donc 50 mètres carrés. Donc on voit que c'était très, très petit. 50 mètres carrés, la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce que je vous avais dit la semaine dernière? Au jour d'aujourd'hui, on voit des nains dans des grandes mosquées. Alors qu'à l'époque, il y avait des géants. Quand je parle de géants, c'était des géants. Je parle de quoi? De piété. Je parle de ces personnes qui étaient grands. Dû à quoi? Leur piété, leur foi, leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des petites mosquées. Ce qui nous importe, c'est pas la taille des murs, mais c'est ce qui se passe dedans cette mosquée. C'est la piété qu'il y a dans cette mosquée. C'est la sincérité des gens qui côtoient cette mosquée-là. C'est ça qui nous intéresse. Amma, les murs, ils vont être détruits, à Akhil Karim. Les murs, c'est de la terre. Les murs, ils vont rendre compte au jour de la résurrection ou pas? Les murs, ils vont pas rendre compte au jour de la résurrection. C'est de la terre, Akhil Karim. Tandis que toi, tu vas rendre compte au jour de la résurrection. Ce qui nous importe, c'est pas la beauté de la mosquée ou la grandeur de la mosquée, mais c'est ce qui se passe dedans cette mosquée. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, et d'autres savants, yani Ahlu Siyar, ils rapportent à peu près tous les mêmes termes quant à la description. D'accord? La description de la mosquée du prophète. Donc à peu près 50 mètres carrés. Les murs de briques et d'argile. Le toit en feuilles de palmier. D'accord? Le toit, ils l'ont fait avec des feuilles de palmier ou à l'aide de feuilles de palmier. Les colonnes avec des troncs d'arbres. Regardez, subhanallah, très simple. Les colonnes avec des troncs d'arbres. Et il y avait, comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, trois portes dans la mosquée du prophète. Une appelée Babur Rahmah, la porte de la miséricorde. Une, il entrait. Et une par laquelle le prophète entrait et sortait. Il y avait trois portes dans cette mosquée-là, à l'époque, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et le sol, bien sûr, ce n'était pas de tapis, hein, comme nous au jour d'aujourd'hui. C'était de sable mélangé avec des pierres et de la terre. Ça, c'était où sur quoi ils priaient les compagnons sans se plaindre. D'accord? Sans se plaindre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait construire des chambres, d'accord, collées à cette mosquée-là. Les chambres où il accueillit ses épouses. D'accord, il accueillit où il vivait avec ses épouses, donc c'était des pièces qui étaient collées à cette mosquée-là. Et une fois la mosquée construite, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam déménagea et alla dans les pièces qui avaient été construites collées à cette mosquée-là. Donc il a déménagé de chez Abu Ayyub al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Je vous avais cité aussi la photo de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui disait qu'une mosquée c'était appelé ou considéré comme mosquée à partir du moment où ça appartenait à qui? Aux musulmans. D'accord? Simplement à ce moment-là, c'était considéré comme une masjid, mosquée. Un lieu où on prie, où se réunissent les musulmans pour prier et qu'on appelle mosquée. Amma, un lieu qui est loué ou un lieu qui est prêté, un lieu yani, qui dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 100 ans peut devenir un bar, ou je ne sais quoi encore, est-ce qu'on peut l'appeler une mosquée? D'après la fatwa de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit non. Il faut que ça appartienne aux musulmans pour s'appeler une mosquée. Sinon, on appelle ça un lieu de prière. Un lieu de prière. D'accord? Donc, ça c'est à titre d'information. Lakin, c'est la fatwa de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et la mosquée? La mosquée, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Une mosquée. Malheureusement. C'est un lieu. Donc, alhamdoulilah, c'est un bien ça, hein. Mais je dis malheureusement, vous allez voir pourquoi. C'est un lieu où on se réunit pour faire les 5 prières de la journée, faqat, pour la plupart des mosquées. Ça s'arrête là. Donc là, si on revient à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui a construit la première mosquée après la prophétie à Quba et la première mosquée à Médine, qu'est-ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Et qu'est-ce qu'ont fait les compagnons dans cette mosquée? Est-ce que cette mosquée servait simplement de faire les prières? Abadan. Ils mangeaient dans la mosquée. Il y avait Ahl Soufa, on en parlera, les pauvres qui dormaient dans la mosquée. D'accord? Ils se réunissaient dans la mosquée. Ils apprenaient la religion dans la mosquée. Ils réglaient les conflits dans la mosquée. Ils jugeaient quand il y avait lieu de juger entre deux frères, un couple, etc., dans la mosquée. D'accord? Donc c'était un endroit qui vivait. C'est pas simplement on vient, on fait la prière est finie, on ferme la mosquée, on part abadan. C'était un lieu qui vivait. Alhamdulillah. Ce n'est pas simplement pour faire la prière. C'était un lieu de réunion pour les musulmans. Mais attention. Attention. Il n'y avait pas droit, bien sûr, d'y faire du commerce. Vous savez très bien que c'est interdit, comme le prophète A.S. l'a dit, de faire du commerce dedans une mosquée. D'accord? Le prophète a interdit d'hausser le ton, de crier dans une mosquée. Il a interdit de parler de choses mondaines, de la vie d'ici-bas. Donc voilà, il y a le juste milieu de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, hein, comme certaines mosquées, malheureusement. Regardez, quand on revient ici à la source, on voit qu'on est un peu loin. Je suis gentil quand je dis un peu loin de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que je rappelle que la sunna al-ittiba', le suivi, encore une fois, ce n'est pas simplement dans la description physique. D'accord? Al-ittiba', c'est dans quoi? C'est dans la description physique, dans la description morale, les comportements, dans les actes d'adoration, dans al-mu'amalat. Donc, ce n'est pas simplement dans la description physique. Le comportement du prophète, ça fait partie de la sunna. D'accord? Qu'est-ce que faisait le prophète? Comment réagissaient le prophète et les compagnons dans cette mosquée-là? Comment ils ont fait vivre cette mosquée-là et l'ensemble des mosquées à Médine ensuite? Donc c'est à nous de revenir à la source. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on voit que c'est un peu l'inverse. Au jour d'aujourd'hui, certaines mosquées, excusez-moi du terme, c'est une réalité. Wallah, et quand on rentre, quelquefois, on dirait des cafés. On dirait des cafés. Donc ça sert du café un peu partout, du thé, etc. Et il n'y a jamais de cours, jamais d'assises religieuses. On reste discuté dedans la mosquée, c'est-à-dire je dis dedans le lieu de prière, de choses mondaines, de commerce, de voyage, au Maroc, tu as acheté quoi? Tu as acheté... Ceci est illicite ou illicite? C'est illicite. Tu n'as pas droit à ça. Les mosquées ont été construites pour quoi? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la lecture du Coran. Pour le rappel d'Allah azza wa jal. Pour les assises. Les assises de religion. D'accord? Pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on rajoute ça, ce qui a été délaissé. C'est-à-dire pour réconcilier entre les gens, pour accueillir les gens, pour expliquer qu'est-ce que c'est que la religion. Il n'y a pas de mal, inda jumhur al-ulama, la majorité des savants, de faire entrer même un non-musulman dans la mosquée à partir du moment où c'est pour, dans l'intention de lui faire découvrir la religion et de l'attirer vers cette religion. D'accord? Donc, il faut la faire vivre, la mosquée. Tu vois des pauvres ou des nécessiteux comme le prophète a accueilli dans la mosquée de Médine et pendant de nombreux mois, ils ont vécu dedans, ils ont mangé dedans, ils ont dormi dedans. Les pauvres de Médine, d'accord, les pauvres de Médine, si tu veux accueillir des gens dans la mosquée, il n'y a pas de mal. S'ils veulent dormir, à partir du moment où cette mosquée reste propre. Et on respecte, yani, les lieux. C'est-à-dire que la mosquée reste propre, les gens qui y mangent restent propres, ils nettoient la mosquée comme il se doit, ceux qui dorment dans la mosquée, ils laissent les lieux propres, etc. Mais il faut qu'une mosquée vive. Il faut qu'une mosquée vive. Amma, yani, se limiter à faire les 5 prières et fermer la mosquée après chaque prière, ça bien sûr, ça c'est contraire à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui beaucoup. Et la mosquée, ayyuhal ahbab, comme disent les savants, yani, c'est, il y en a avec une sorte de métaphore, ils disent elle représente, yani, la tête d'un corps. Elle est comme la tête d'un corps. Si on coupe cette tête-là, il ne reste plus de vie dans le corps. Elle représente la tête d'un corps. Si on coupe la tête, il ne reste plus de vie dans ce corps-là. Il est mort. Pourquoi? Parce que si on veut se réunir, et le but, c'est quoi? C'est de se réunir. C'est de réunir les musulmans. D'accord? Pour, réunir, se réunir physiquement, et réunir aussi, bien sûr, ce qui nous importe le plus, les cœurs. Pour renforcer cette communauté. Pour renforcer la communauté. Et pour éviter de se quoi? De se diviser. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنَازَعُوا. Ne vous disputez pas. Sinon vous allez quoi? Vous allez fléchir et perdre vos forces. La preuve qu'on sait que quoi? D'après ce verset coranique, la division, elle apporte quoi? La faiblesse. Tandis que l'union n'apporte que quoi? Que force. Mais pas que l'union physique. Parce qu'on voit les mosquées, quelquefois, ils sont pleines. Mais tu vois le frère qui prie à côté de son frère? D'accord. D'accord, ils sont unis, physiquement. Mais leur cœur entre eux, wal'iyadu billah, s'il pourrait manger son frère, il le mangerait. S'il pourrait apprendre que son frère est mort, il serait heureux. Ça existe ça ou pas? Tout le monde dira oui. Tout le monde dira oui. Donc ce qui nous importe, c'est pas l'union physique, mais unir les cœurs. D'accord? Vous suivez? C'est pas des paroles dans le vent que je dis. Vous allez voir pourquoi. On va réunir tout ce que je dis ici à la fin. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, il a construit la mosquée à Médine. D'accord? Donc, on sait très bien qu'il a mis en place une société musulmane. Il a mis en place un État islamique à Médine. La première société musulmane, le premier État islamique. Parce qu'ils étaient, yani, en position de force. Ils étaient en sécurité. Ça y est, le prophète, alayhi salatu wassalam, il pouvait mettre en place ces hommes forts, cette société, al-mujtama'. La société, ici, qui va être bâtie sur al-Qur'an et al-Sunnah. Le Coran et la Sunnah. Mais pour ça, il faut un lieu. Il faut un lieu pour réunir les musulmans. D'accord? Et comme on a dit, la mosquée ne servait pas simplement de faire la prière, mais pour réunir les musulmans, se rencontrer, accueillir les pauvres, manger, avoir cette ambiance islamique, cette ukhuwa, cette fraternisation entre les musulmans, régler les conflits, juger. D'accord? C'est une sorte de tribunal aussi. Juger entre les gens. Donc, il fallait un lieu. Car on a besoin d'un lieu là. On a besoin d'un lieu pour faire tout ce qui se passe, ou alors pour mettre en place une société musulmane. Et si petite soit-elle, cette société à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, il lui fallait quand même un lieu. Et ce lieu était la mosquée. Donc il a mis en place la mosquée. La mosquée est là, alhamdoulilah. Ça y est, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? La mosquée est là. Ça suffit ou pas? Ça suffit pas. Il faut d'abord savoir que la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam a été construite sur quoi? Sur la piété. Sur la piété, elle a été construite, la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y a une divergence, ou plutôt une différence, entre le fait de bâtir, écoutez bien, n'importe quel projet, mondain ou religieux, sur la sincérité, sur la piété, que de construire n'importe quel projet, mondain ou religieux, sur la perversité, et sur la mauvaise intention. Ça n'a rien à voir. Ce qui nous importe dans tout projet, mondain ou religieux, c'est quoi? Al-asl, c'est la base. C'est la base. Si toi tu te maries, le plus important dans le mariage, c'est quoi? C'est d'avoir 5 ou 7 enfants? C'est quoi? C'est la base. Quelle épouse tu as choisi? L'épouse, quel homme il a choisi? De là va dépendre et va découler ta vie, heureuse ou malheureuse. D'accord? Je parle de façon générale. Une personne qui va se marier, alors qu'il n'est pas dans la religion, avec une femme qui n'est pas du tout dans la religion, je dis de façon générale, il y a des exceptions. D'accord? Aucune crainte d'Allah, la femme, aucune crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même s'ils vivent 20 ans, 10 ans, ils ont 10 enfants, ils ont de l'argent, est-ce qu'ils vont vivre heureux? Surtout s'ils découvrent la religion après. Il va se mordre les doigts, il va pleurer, il va regretter. Pourtant, tu as de l'argent, tu as plein d'enfants, tu as ces choses qui font partie des causes, simplement des causes, c'est pas le bonheur, des causes du bonheur. Al-mal ou al-banun, zinatul hayatid dunya. Allah Azza wa Jalla rappelle que les biens et les enfants, d'accord, zinatul hayatid dunya, ça fait partie des parures, de l'embellissement de cette vie d'ici-bas. C'est un bien. Lakin, la base a été mauvaise. Tu vivras une vie malheureuse. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Celui qui s'écarte de mon rappel vivra une vie pleine de gêne. Vivra une vie pleine de gêne. C'est la base qui nous intéresse. Pareil pour toute chose. Quand tu commences n'importe quel projet avec de bonnes bases solides, en général le projet est réussi. Alors que dire dans un projet religieux, comme la construction d'une mosquée qui est une lourde responsabilité, un projet religieux. Si tu commences avec des mauvaises bases, de l'argent haram, une mauvaise intention, tu es loin de la sunna, tu es loin de la religion, tu cherches simplement à dire c'est moi qui a construit la mosquée, c'est moi le président de telle association, parce que maintenant on reconnaît les présidents de la société, il suffit de rentrer dans n'importe quelle mosquée. Tu restes pendant Dhuhr, allez au pire l'Asr, allez tu vas jusqu'à le Maghreb, tu sais c'est qui le président, le trésorier, le secrétaire. Sans qu'on te dise. Tu les vois comment ils sont. Hein, costard, cravate, maintenant il y en a plein, ils sont comme ça. C'est, en général, je généralise pas, il y a beaucoup de complexés. Vous savez très bien, il y a des complexés. Il y a dans toutes les religions, dans la vie, il y a des complexés. Dans la religion, il y a des complexés. C'est-à-dire des gens qui quoi? Qui savent que toute leur vie, ils n'ont été que employés. Du jour au lendemain, on leur dit, tu sais que tu peux devenir président. Raïs. C'est-à-dire, on va écrire président et on va écrire ton nom. Ça, il commence à gonfler. Ah, mais ils se battent tous pour juste simplement ce mot président. Parce que toute sa vie, il a été commandé par des patrons. Là, il se dit, c'est moi le président. Ah, tu costard cravate, il gère. Et quand tu lui parles, salam alaikum, je viens pour un rendez-vous, à peine il te regarde. Je viens pour un rendez-vous pour une mosquée, à peine il te regarde, il tourne le dos et tout. Qu'est-ce que c'est que cette religion? Ça, c'est pas la religion d'Allah et du messager, ça. Ça, ou plutôt on va dire, allez, c'est pas le comportement d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas ce comportement ça. Abadan, ça c'est des gens qui jouent avec la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve. Il éprouve par le mal et le bien. par le mal et le bien. Et le fait d'avoir des responsabilités religieuses, c'est une épreuve, car c'est un bien aussi. Mais ça peut être un mal. Il faut faire attention. Allah Azza wa Jalla, il va te permettre de construire une mosquée. C'est un bien, mais il va t'éprouver. C'est une épreuve aussi. Qu'est-ce que tu vas faire de cette responsabilité? Est-ce que tu vas t'enfler d'orgueil? Est-ce que l'ostentation va prendre le dessus sur ta bonne intention, etc. C'est pas yani, une mince affaire. C'est bon, je suis président et c'est bon, ça s'arrête là. Donc ici, il faut faire attention par rapport à ça et se remettre en cause à chaque fois. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam était modeste et qu'il y a besoin d'une mosquée, il y a besoin de responsables dans une mosquée, ça c'est clair. Lakin, il faut faire vivre cette mosquée. Il faut faire vivre cette mosquée selon le Coran et la Sunna. Éloigner la mosquée de toutes les innovations possibles. Réunir les gens, les musulmans, les croyants et les croyantes sur la Sunna, la fraternité, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. D'accord? Et en utilisant et en usant de quoi? De sagesse, al-hikmah. C'est-à-dire de faire ce qu'il faut au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vais maintenant réunir les musulmans, le cœur des musulmans. Et qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis, yani, cette fraternisation entre les musulmans. Il a réuni les musulmans et il a, yani, il y avait d'un côté al-ansar, ceux qui ont accueilli les émigrés, d'accord? Et de l'autre côté, il y avait les émigrés, al-muhajirun ou al-ansar. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait l'Ansar? Alors écoutez bien. Ils ont tout partagé leurs biens. Tout partagé leurs biens. D'accord? Donc c'est-à-dire celui qui avait je ne sais combien de bêtes, je ne sais combien d'hectares, je ne sais combien de maisons et combien de femmes aussi, eh bien ils partageaient. Combien de femmes aussi, vous allez voir. Donc regardez. Ils ont tout partagé, jusqu'à ce qu'il est relaté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu anhu arda, a été reçu par Sa'd ibn Rabi'a. Sa'd ibn Rabi'a, qu'est-ce qu'il a fait Sa'd ibn Rabi'a? Vous connaissez sûrement ce récit prophétique. Il a donné à Abdurrahman ibn Awf, retenez ces noms-là, Sa'd ibn Rabi'a, il a donné à Abdurrahman ibn Awf la moitié de tous ses biens, jusqu'à ce qu'il lui a dit, j'ai deux épouses, choisis l'épouse qui te plaira. Il n'a pas dit prends une épouse. Choisis l'épouse qui te plaira des deux. Après sa période de viduité, tu la prends. Je te donne une de mes deux épouses. Je la divorce, après sa période de viduité, tu la prends. Mais vous imaginez, regardez quel degré. Ce n'est pas, il a dit prends une de mes deux épouses. Choisis une de mes deux épouses, celle qui te plaira, prends-la. Regardez, subhanallah, l'application de ce verset coranique. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. L'application du verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit, vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous aimerez, ou plutôt lorsque vous donnerez ce que vous avez de plus cher, ce que vous aimez le plus. La moitié des biens, prends-les. Et sans contrainte, c'était les Ansar, il n'y a pas un qui a dit, non, je ne veux pas. Tout le monde a insisté pour donner la moitié de ses biens. Jusqu'à ce que, ici, As-Sa'd radiyallahu anhu arda a dit, prends une de mes deux épouses. Une de mes deux épouses. On voit ici la cause principale de la réussite de cette société qui était petite, soit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais très pieuse. Une des causes principales, c'est quoi? Le degré de fraternisation qu'il y avait entre eux. Allah, il dit, وَلَا تَنَازَعُوا. Pourquoi? فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous disputez pas, sinon vous allez fléchir et perdre vos forces. La preuve que quoi? Moins il y aura de désunion, plus il y aura de la force. Plus il y aura la désunion, moins il y aura de la force. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est clair. Pourquoi les musulmans sont faibles? Pourtant, quand on regarde le nombre de pays arabes musulmans qu'il y a dans le monde, c'est énorme. Le nombre de musulmans qu'il y a dans le monde, c'est énorme. Avec la même religion, avec la même langue de référence, la langue arabe, on n'a pas la même monnaie, on a des frontières partout, et on se déteste entre nous. Les non-musulmans, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même langue, ils ont la même monnaie, ils ont enlevé les frontières, et ils s'entendent partout. Subhanallah. Diviser pour mieux régner. Vous connaissez ça, diviser pour mieux régner. Parce que quand tu divises, ici, tu peux mieux régner. Pourquoi? Parce que ton adversaire a perdu ses forces. Mais vous croyez que ces proverbes ils viennent d'où? Vous croyez que ces proverbes ils viennent d'où? On va dire, ah, bah ça tombe bien, il y a un proverbe qui dit diviser pour mieux régner. Mais il y a une base dans ce proverbe-là. Il y a une base. Vous savez comment, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, al-Yahoud, les juifs, ont réussi à atteindre, yani, un haut degré, ou plutôt une grande richesse. Ils ont réussi, yani, à avoir un pouvoir économique énorme à Médine. Comment ils ont fait? Une des causes principales, c'était pas, à votre avis, c'était comment? C'est ce qu'ils faisaient. Pourquoi ils ont, quand vous vous rappelez à l'Aqaba, les pactes de l'Aqaba. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé, ils ont accepté que qui? Que le prophète alayhi salatu wassalam vienne. D'accord? Vienne à Médine. D'accord? Que le prophète alayhi salatu wassalam, plutôt, intervienne pour réconcilier entre eux. Parce que ça, il n'y avait plus d'issue. Il y avait trop de sang versé. Il y avait trop de guerre entre eux. Ils se déchiraient. La cause? Al-Yahoud, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Ils engrenaient les uns envers les autres parmi les Arabes, ils créaient des disputes entre eux pour qu'ils restent toujours dans la dispute à Médine et qu'ils puissent eux toujours avoir le contrôle. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Et au jour d'aujourd'hui, on retrouve ces proverbes divisés pour mieux régner. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, et avant lui bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, nous met en garde contre la division. Et nous, et ceux qui prétendent suivre la sunna, du jour, de jour comme de nuit, qu'est-ce qu'on entend? Mise en garde contre un tel. Un tel, c'est un égaré. Un tel, c'est une personne perverse. Celui-là, j'ai entendu de lui. Celui-là, ne l'écoute pas. Celui-là, bien sûr, les mises en garde, ça existe en islam. Et on doit mettre en garde quand il y a une personne qui appelle à quoi? À un égarement évident, qui appelle à l'innovation. Mais là, il y a des savants qui le font, d'accord? Qui sont habilités pour le faire. Ils font un ijtihad, car c'est un alim. Ce n'est pas n'importe qui fait un ijtihad. Cet effort de réflexion, c'est les savants qui le font. Et toi, petit, qui ne sais même pas encore faire les ablutions comme il le faut, moi et toi, on a d'autres préoccupations. Et la préoccupation principale, c'est quoi? C'est de se corriger soi-même, de corriger nos épouses, nos familles, car Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Allah azza wa jalla ne changera pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas. Quand toi tu t'es corrigé, ton épouse s'est corrigée, tes enfants se sont corrigés, ici tu fais yani, le même travail avec ton entourage, et tu essayes de gagner les cœurs, et tu essayes de rassembler le cœur des musulmans à l'époque où on est tous divisés. C'est ça le travail principal qu'on doit avoir aujourd'hui, tout en prenant en compte qu'il y a des mises en garde, bien sûr, mais ces mises en garde doivent être faites avant tout par les savants. Et conformément à la sunna, mais pas comme des jeunes de cité qu'on entend aujourd'hui. Al-iyadu billah. Wallahi al-adim, que j'entends des choses. Et à travers internet, quand je vois des choses, des jeunes, wallahi al-adim, qui viennent de cité, ça fait 6 mois qu'il est rentré dans la religion, et il commence à citer des noms ouvertement de mashayikh. Encore il y a quelque temps, j'entendais un jeune qui était en train de parler d'un shir, un des prédicateurs qui est mort prosterné, qui s'appelle Shir Kishk, rahimahullah ta'ala. Et qui critiquait une autre personne et qui lui disait, mais celui-là c'est un égaré parce qu'il a le même habit que Shir Kishk. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'il s'habille comme un égyptien, il a le même habit que Shir Kishk, celui-là c'est un égaré. Et c'est quoi ça? Ils mettent ça sur des émotions, sur YouTube, sur je ne sais quoi, ils font mais ça c'est une monsiba. Wallahi al-adim, c'est une monsiba. Et ces personnes-là, et ces jeunes égarés, car celui qui dit qu'ils ne sont pas égarés, c'est-à-dire qu'il dit qu'ils sont conformes. Il se conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et il dit que ça c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, et moi je lui dis, ce jeune-là, repends-toi. On est obligé de dire que c'est des gens égarés, ça. Ça c'est un égarement. C'est un égarement pur. Et j'invite n'importe qui à me prouver le contraire. N'importe qui, comme il veut, quand il veut. Pas de problème. C'est un égarement pur. Toi tu parles d'un mort et tu parles de sa tenue vestimentaire, alors que cette personne-là est mort prosternée. Subhanallah, c'était un musulman. Il appelait au Coran et à la Sunna, même s'il a fait des erreurs. Et des savants ont rendu sur des erreurs ou ont répondu à des erreurs qu'il a fait. Ou à des textes qu'il a utilisés qui étaient faibles. À la kulli hal, il est mort, c'est un musulman. Toi, est-ce que tu as une responsabilité, imam Allah, de mettre en garde contre lui alors qu'il est mort? Ou alors de parler plutôt ne serait-ce que sur sa tenue vestimentaire? Subhanallah, c'est quoi cette monseba? Et après on dit, mais pourquoi on est humilié? Pourquoi on est humilié? Des gens avec la barbe de la camise disent, oui mais on est humilié parce que les gens ils font beaucoup de bid'a. Mais parce que toi tu commences à faire une bid'a déjà. C'est toi le premier à faire la bid'a. Au nom de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu as délaissé al-ittiba', le suivi du comportement moral du prophète alayhi salatu wassalam. Donc toi on va dire tu as innové. Ça c'est pas le comportement. Toi tu as innové, tu parles de bid'a. Ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et occupe-toi de ta propre personne et occupe-toi de ta famille. Wallah il adim, je reste sur ce sujet parce que wallah il adim, c'est des choses catastrophiques. J'ai entendu une des références pour certains jeunes en France qui parlait wallahi et qui parlait d'un prédicateur, subhanallah. D'apparence, il inspire que la sunna. Il dit que Allah a dit, le prophète alayhi salam a dit, c'est clair et net que n'importe quelle personne ne pourra pas dire le contraire, c'est-à-dire le fait qu'il a plus de bien que de mal. Et quand il parle de lui, alors que lui personne ne le connaît, il vient d'une cité je ne sais d'où encore en France là, et là peut-être c'est un arabophone, et il commence à parler de lui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, lui, vous pouvez laisser les vieux l'écouter, les parents ils peuvent l'écouter, mais les jeunes, ah non, il ne faut pas l'écouter. C'est quoi cette aqida de franc? Comment ça? Si lui il est égaré, pars dans ton principe là. Même les parents, ça veut dire que les parents et les personnes âgées, ils ont le droit de s'égarer. Les personnes âgées, ils ont le droit de s'égarer, de l'écouter si on part dans ton principe là. Et les jeunes, vous l'écoutez pas. Mais les personnes âgées, c'est pas grave, les mères, s'ils l'écoutent et tout. Donc, je veux pas citer le nom du prédicateur, parce que c'est des montagnes, masha'Allah. Et cette personne-là, il permet à des personnes âgées de l'écouter, pas à des jeunes. Ça, c'est pas un égarement, ça. Pars dans ton principe et dis, personne ne l'écoute. Pour vous dire que c'est des personnes égarées et c'est un égarement pur et simple et évident. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de cet égarement. On voit qu'ici, As-Sahaba radiallahu anhu ardahum avait cette fraternité très forte. Mon épouse, prends-la. Je la divorce, Zayd ibn Rabi'a, il dit je la divorce et après sa perduvidité, tu la prends pour épouse. Jusqu'à ce que Al-Ansar, yani, quand il mourait, qu'est-ce qu'il se passait? Al-Muhajirun, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le droit à l'héritage. Ils avaient le droit d'héritage. Jusqu'à ce que ceci a été abrogé. Mais au début, ils avaient droit à l'héritage. On sait que l'héritage, ce n'est simplement que pour les personnes de la famille. Eux, ils avaient droit à l'héritage. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait, yani, partagé ses biens avec un muhajir, un nigré, si le ansar mourait, le muhajir, il avait droit à l'héritage. Regardez ici cette fraternisation et comment le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a donné yani, l'amour de al-ukhuwa, de al-mahabba fillahi azza wa jal. Et ça, c'était une vraie fraternité avec des vrais frères en Allah azza wa jal. Mais quelqu'un va me dire maintenant, c'est qui ou comment reconnais-tu un vrai frère en Allah subhanahu wa ta'ala? Parmi, il y a des nombreuses preuves, mais parmi les preuves, je vous cite la parole de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, où il dit « Ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina wa awladina » Regardez ce qu'il dit Hassan al-Basri, « Ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina wa awladina » Pourquoi? Limada? Il dit « Nos frères sont plus aimés à nous que nos femmes, nos épouses et nos enfants, que notre famille. » Pourquoi? À votre avis? Je vous avais déjà dit ça. Regardez, madame. Et tandis que les frères, pas les frères, les vrais frères. Il dit quoi, Hassan al-Basri? لِأَنَّ أَهْلَنَا وَأَوْلَادَنَا يُذَكِّرُونَنَا بِالدُّنْيَا وَإِخْوَانَنَا يُذَكِّرُونَنَا بِالْآخِرَةِ. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand on rencontre nos familles, nos épouses, nos enfants, ils nous rappellent à dunya. Ça ne veut pas dire que c'est un mal, mais il nous dit, ils nous rappellent dunya. C'est vrai, quand tu vois ta femme et tes enfants, tu penses à quoi? Les couches, les courses, ceci, cela, c'est dunya, c'est des choses adis, c'est halal, c'est clair. Mais ça te fait penser dunya. Hassan al-Basri à son époque, qu'est-ce qu'il aurait dit à notre époque? Et il dit, tandis que nos frères, il nous faut rappeler l'au-delà. Ah, très belle parole à méditer. Tandis que nos frères nous font rappeler l'au-delà, al-akhirah. C'est pour ça qu'il disait, ce type de frères-là, je dis bien ce type, c'est pas tous les frères, ce type de frères-là, c'est-à-dire qui te font rappeler l'akhirah, te seront, et ça c'est une réalité, te seront encore plus aimés que quoi? Ils seront encore plus chers à toi ou à tes yeux et plus aimés à toi que ta propre famille. Parce que de façon générale, ils te feront plus rappeler l'akhirah que ta famille, car ta famille en général, due aux responsabilités, etc., te font penser dunya. Tout en sachant que tu peux avoir une épouse pieuse qui te fait rappeler l'akhirah. Tu peux avoir un enfant pieux qui te fait rappeler l'akhirah. Mais de façon générale, c'est vrai? Donc, le vrai frère et le véritable frère que tu dois côtoyer, car le prophète alayhi salam, il a dit, le prophète alayhi salam, il dit dans un hadith authentique, il dit, al-mar'u ma'a man ahab ayyam al-qiyama. Na'am, mais un autre hadith, la personne sera avec celui qu'il a aimé. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur man ahadukum man yukhalil. Le prophète alayhi salam, il a dit, la personne est sur la religion de celui qu'il côtoie ou qu'il prend pour ami intime. que chacun d'entre vous fasse bien attention et regarde bien qui il prend pour ami. Si tu vois que ton frère te fait rappeler l'au-delà, sache que c'est un frère, mashallah. Si tu vois un frère qui passe son temps à critiquer et à parler de dunya et à te faire rappeler rien du tout que je ne sais quoi, acheter des maisons, gagner de l'argent, c'est pas celui qui va te profiter en quoi que ce soit. Le vrai frère en Allah, c'est quand tu le vois, il te fait rappeler l'akhira. Il te parle, ittaqillah, sois pieux, isbir, wahtasib, patiente, et attends la récompense divine, il te remonte le moral, il te fait penser l'akhira. Ça, c'est le vrai frère. Amma, celui qui ne te fait jamais rappeler l'akhira, sache que celui-là n'est pas une personne bénéfique pour toi. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète l'a dit. Donc à toi d'appliquer ce hadith à ce moment-là, la personne est sur la religion de celui qui prend pour ami intime, que chacun d'entre vous fasse bien attention qu'il prend pour ami intime. D'accord ? Donc prends pour ami proche, d'accord, que des gens qui te font rappeler al-akhirah. Ce n'est pas interdit de côtoyer des gens qui sont même non musulmans. Mais ami intime, al-khalil, ami intime que tu côtoies, avec qui tu parles, avec qui tu te confies, avec qui yani, tu invites chez toi, tu vas chez lui, prends des personnes qui te font rappeler al-akhirah. L'au-delà, c'est ces personnes-là qui te seront bénéfiques. Amma les gens qui, comme je le disais tout à l'heure, passent le temps à dénigrer, à critiquer, etc., et qui ne te font pas passer ou penser à l'au-delà, ça, c'est des gens qui ne te sont pas bénéfiques. Et je rappelle, ayyou al-ahbab, que les personnes, ayyou al-ahbab, qui touchent l'honneur de leurs frères et touchent l'honneur des musulmans de façon générale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est un des remèdes. C'est un des remèdes. Pourquoi ? Pour éteindre cette maladie-là. C'est de contrer. C'est-à-dire de contrer ceux qui sont en train de désunir. Et pour contrer ceux qui sont en train de désunir, il faut parler. Quand on parle d'un de tes frères, quand on dénigre un savant, quand on dénigre un chir, quand on dénigre une personne, gratuitement, sans science, alors qu'il n'y a pas lieu d'être et qu'il n'y a pas de preuves concrètes, et que la personne n'applique pas la parole de Omar ibn al-Khattab qui dit, quand ton frère dit une parole, trouve-lui la meilleure des explications ou des interprétations. D'accord ? Quand quelqu'un dit une parole, même si ça prête à ambiguïté, trouve-lui le meilleur, les meilleures excuses. D'accord ? C'est pas parce que ça y est, oui, il y a une personne qui a fait une erreur, oui, ça y est, on peut se permettre. Réponds et défends ce frère-là. Regardez le prophète alayhi salam. Comment il motive les personnes à quoi? À défendre ceux qui sont critiqués. Parce que le fait de critiquer ton frère, ça apporte la haine. Et la haine apporte la désunion. Et la désunion apporte la faiblesse. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est comme ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Après avoir construit la mosquée du prophète alayhi salam, c'est gagner les cœurs, réunir les cœurs. Si on veut la réussite, et on sait que al-mustaqbal li hada din, que l'avenir est pour cette religion, mais il y a des causes, et parmi ces causes, c'est quoi? Réunir les cœurs. Réunir les cœurs sur quoi? Al-Qur'an wa sunnah, al-adab wal ihtiram, la politesse et le respect sur le Coran et la sunnah. Il faut réunir les cœurs. Et pour réunir ces cœurs-là, faut contrer ceux qui passent leur journée à désunir. Et pour contrer ceux qui passent leur journée à désunir, il faut répondre à ces personnes-là. Et comment on répond à ces personnes-là? Une personne critique ton frère, une personne critique un prédicateur, une personne veut diviser, réponds-lui. Le prophète alayhi salatu wasalam, il dit, je vous cite simplement trois hadiths. Il dit, rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, selon Abu Darda, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah éloignera le feu de son visage le jour de la résurrection. Celui qui défend l'honneur de son frère. Certains disent, oui, mais il a critiqué un tel, j'ai rien dit, j'ai dit, je me tais. Abadan, c'est quoi, tu es faible ou quoi? Tu défends la religion, ya akhi al-karim, avant de défendre ce frère. Défends la religion et applique la sunna. Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah Azza wa Jal éloignera son visage du feu de l'enfer. C'est pas pour rien que le prophète l'a dit. Le prophète, il dit quoi encore? Rapporté par Abi Dunya, authentifié par Cheikh Al-Albani, celui qui défend son frère en son absence, Allah le défendra dans le bas monde et l'au-delà. Tu défends ton frère en son absence, Allah il te défend fi dunya wal akhirah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit aussi, dans un hadith rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, celui qui repousse des propos qui médisent son frère, Allah se devra de l'affranchir du feu de l'enfer. Allah se devra de l'affranchir du feu de l'enfer. Et rapporté par l'imam Muslim et Al-Bukhari, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, les musulmans sont dans l'affection, dans la compassion, dans la sympathie entre eux, comme le même corps. Quand ce corps-là se plaint d'une fièvre, ou d'une maladie ou d'un mal, le reste du corps ressent cette douleur. Le musulman est comme un même corps. Quand tu as mal à la tête, quand tu as une fièvre, tout ton corps ressent cette douleur-là. Voilà le musulman. Regardez les paroles prophétiques pour nous rappeler qu'on est là pour unir et pas désunir. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui vient et qui désunit un groupe uni, faqtulou, tuez-le. Rapporté par Muslim. Celui qui vient et qui désunit un groupe qui est uni, tuez-le. Certains savants ont dit que c'était un groupe, c'est-à-dire la communauté. C'est pas simplement un petit groupe, la communauté. Quelqu'un qui vient pour diviser la communauté, faqtulou. C'est pas à nous d'aller le tuer. Pour montrer la gravité du fait de quoi? Wal'iyadu billah, de diviser, comme disent les savants, le fait de diviser entre les musulmans, ça fait partie de l'kaba'ir. Ça fait partie de al-kaba'ir. Ceux qui font quoi? Allazina yasudduna an sabilillahi azza wa jal. Kama يقول جل وعلا في كتابه العزيز تكرارا الله سبحانه وتعالى يغيبت souvent يعني il parle souvent de ces personnes qui quoi الذين يصدون عن سبيل الله, ceux qui obstruent le sentier d'Allah عز وجل. Parce qu'on a dit la règle générale connue par les musulmans et non musulmans, détruire c'est plus facile que construire. Comme il y a des gens qui sont complexés, qui n'arrivent à rien construire, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. ولا يشعرون, ils ne s'en rendent même pas compte, والعياذ بالله. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit dans Sahih al-Bukhari selon Anas radiyallahu anhu warda, آيات الإيمان حب الأنصار وآيات النفاق بغض الأنصار. Il nous rappelle que le fait d'aimer l'Ansar, c'est un signe de la foi. C'est un signe de la foi, le fait d'aimer l'Ansar. Et le fait de détester l'Ansar, ceux qui ont accueilli al-Muhajirun, c'est un signe de quoi? C'est un signe d'hypocrisie, wal'iyadu billah. Donc on se doit, nous, musulmans, d'aimer Al-Ansar. Et comment ne pas les aimer quand on entend que Zayd ibn Rabi' radiyallahu anhu arda a proposé Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu arda, il lui a donné la moitié de ses biens, il lui a proposé une de ses épouses, il lui a dit, choisis une de ces deux épouses, une de mes deux épouses ici, et marie-toi avec elle. Ça c'est la vraie mahabba. Ça c'est dans l'application le vrai amour en Allah Azza wa Jal. Et c'est pas l'amour avec les paroles. D'accord? Ce n'est pas simplement le fait de dire j'aime en Allah, je déteste en Allah. J'aime en Allah, je déteste en Allah. Mais dans le concret, tu ne vois rien de al-wala wal-bara. Certains même, wallahi al-adim, on dirait qu'ils respectent mieux ou plus et qu'ils aiment encore plus certains innovateurs, certains égarés que des gens de la sunna qui appliquent la sunna. Et je ne rentre pas dans les détails. Allah al-musta'an hadith wa la haraj. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure aussi, on voit que al-muhajirun wal-ansar, et particulièrement al-ansar, ils ont reconnu, je vous ai dit au début du cours, les bienfaits d'Allah azza wa jal sur eux. Ça c'est une forme de reconnaissance. Et on sait que la reconnaissance, al-shukr, se fait pas simplement par la langue, mais se fait par l'action, les actions. وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et œuvrez, ô vous famille de Daoud, en signe de reconnaissance. وَعْمَلُوا. Ça c'est la preuve, comme on dit l'ulama, que الشُكْر c'est le fait d'être reconnaissant à travers les actions. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le dit souvent, t'a comblé de bienfaits. Par exemple, t'a comblé d'argent, il t'a rendu riche. À toi d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala en prenant par l'action, en prenant cet argent et le distribuant fi sabilillah azza wa jal, pour les bonnes œuvres, fi sabilillah, construction de mosquées, pour les nécessiteux, etc. Allah azza wa jal t'a donné la santé, utilise cette santé ici dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal t'a donné une maison, une demeure, alhamdulillah, à toi d'utiliser cette demeure pour accueillir les gens et les inviter chez toi. Allah azza wa jal t'a permis d'avoir de la nourriture, utilise cette nourriture et donne-la aux nécessiteux. Wa'malu ala Daoud ashukra. Et œuvrez, ô vous famille Daoud, en signe de reconnaissance. Œuvrez. C'est avec les actions. Et c'est pour ça que Al-Ansar, on voit qu'ils ont prouvé cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour qu'ils portaient envers le prophète alayhi salatu wa salam, ici avec les actions, dans l'application. D'accord? Dans l'application. Donc ils ont tout partagé avec ici Al-Muhajirun. C'est à quelle heure, Aïcha? Dans 3 minutes. Et bon, il y a un long hadith que je voulais vous citer concernant يعني la reconnaissance. C'est un hadith magnifique rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu arda, lakin il n'y a pas le temps de le citer au jour d'aujourd'hui. C'est pour vous rappeler qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le Coran al-Karim, de toute manière nous allons vous éprouver ou nous vous éprouverons par le mal, bi sharri wal khayri fitna, وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Et vers nous se fera le retour. Nous allons vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation, et vers nous se fera le retour. Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran Al-Karim. Et il faut rappeler, et se rappeler plutôt, que le fait d'avoir des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve aussi. Allah Azza wa Jal te met à l'épreuve. Comment tu vas réagir? Al-Ansar ont bien réagi, alhamdulillah. Mais il y a certaines personnes qui ne réagissent pas comme il le faut, et parmi ces personnes-là, il y a une personne qui est cité dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu arda concernant un lépreux, un chauve et un aveugle. Vous connaissez sûrement ce hadith là, c'est un hadith magnifique, laquelle on n'a pas le temps de le citer. Il nous reste deux minutes. Ici, je vous le citerai la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Ce que je peux vous citer au jour d'aujourd'hui, rapidement, c'est que à Médine, il y a eu plusieurs actes d'adoration, actes de culte, qui ont été mis en place. Et ça, c'était à Médine. Parmi ces actes d'adoration, ces actes de culte, il y avait al-adhan, d'accord, qui n'était pas pratiqué comme il a été pratiqué à Médine et comme il est pratiqué au jour d'aujourd'hui, d'accord, à la Mecque. Donc il a été pratiqué de cette façon, comme on le fait au jour d'aujourd'hui, il a été légiféré à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, quand le prophète était à Médine et pas à la Mecque. Et ici, al-adhan, il y avait aussi al-siyam, il y avait aussi al-hajj, il y avait aussi al-zakat. Donc tous ces actes d'adoration ont été légiférés à l'époque où le prophète alayhi salatu wa salam était à Médine. Mais ici, je n'ai pas le temps de vous citer les hadiths concernant al-adhan, les mérites de l'adhan, et aussi un autre hadith qui est très important. D'accord, ceux-là, je n'ai pas le temps parce qu'ils sont assez longs et je ne veux pas commencer une partie et arrêter au milieu. Donc, je continuerai la semaine prochaine, inshallah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakum allahu khair.